Section 6 de Deux petits sabots par Ouida. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Chapitre 6. Les voisins virent que Bébé était devenue très silencieuse. Ce fut tout. Les acheteurs la trouvaient pâle, tandis qu'assise au marché, elle offrait ses fleurs d'automne, et quand les petits Van Hart l'appelaient pour jouer avec eux, elle répondait doucement qu'elle avait trop à faire pour pouvoir s'amuser. Lise, la marchande de fruits, ne lui épargna pas les quolibets. « Déjà partie, qu'est-ce que je disais? Au moins la moisson a-t-elle été belle tant qu'elle a duré? Jeannot te prendra-t-il avec une grosse dot ?» Le vieux Jehan, qui était la meilleure âme du village, la regardait parfois en hochant la tête tandis qu'elle travaillait au jardin. « Chérie, lui disait-il, tu as quelque peine qui te vient de cette image peinte. Tu ne ris plus. Ma fille riait. On aurait dit un carillon de clochette. Et puis cela s'est arrêté tout à coup. Elle était morte. Mais tu n'es pas mort, toi, bébé. Et cependant, tu deviens muette, comme si tu l'étais. » Ni aux railleries de Lise, ni à la tendresse de Jehan, bébé ne répondait. Dans ses yeux, il y avait un appel pathétique et navré, comme celui que l'on remarque dans ceux d'un chien battu, qui, tout en souffrant par lui, ne cesse pas d'aimer son maître. Une seule pensée la soutenait, apprendre, être patiente et sage, afin qu'au retour, il vît qu'elle avait fait sa volonté en toutes choses. Les moissons étaient à l'abri, la terre brune fraîchement retournée, les chrysanthèmes blanches et violettes s'épanouissaient auprès des rosiers dépouillés de leurs fleurs, les feuilles commençaient à tomber, les écureuils à rentrer leurs noix et les pauvres à ramasser le bois mort. Il a promis de venir avant l'hiver, se disait bébé, en sentant chaque matin qu'il faisait plus froid que la veille. Elle avait la foi que rien ne tue, elle ne doutait pas, mais elle était lasse, lasse des insomnies fiévreuses, des longues journées vides, de l'attente perpétuelle sur le chemin désert, lasse de prêter l'oreille à chaque pas qui retentissait, de tendre dans le vide un regard anxieux qui ne rencontrait jamais ce qu'il cherchait. Lasse comme un enfant perdu dans les bois, à bout de force pour marcher, et dont le cœur se brise en songeant qu'il ne retrouvera plus jamais sa route. Cependant, elle allait à la ville, comme de coutume, porter les dernières fleurs de la saison, et quand celles-ci lui manquèrent, à l'atelier, pour revenir chaque soir user ses yeux sur les livres qui devaient lui faire comprendre la vie et la rendre un peu plus digne de Lionel. À ce régime, elle maigrit, elle s'étiola. Jeannot, en revenant de la forêt la nuit, s'approchait parfois du volet entr'ouvert, derrière lequel brillait une petite lumière, et la voyait courbée sur quelques bouquins, la main enfouie dans ses cheveux, les sourcils rapprochés, les lèvres serrées par l'effort qu'elle faisait. Il s'en allait la rage dans le cœur, les larmes aux yeux, n'osant rien dire, mais sachant trop que bébé ne l'aimerait plus jamais, pas même d'amitié, car il avait parlé sévèrement de l'étranger du pays de Rub, et depuis bébé l'avait toujours évité. « Tu m'en veux ?» avait dit le pauvre Jeannot d'un ton suppliant. Elle répondait toujours « Non, mais ne me parle plus. » Et comme il avait maudit son amant, bébé était rentré chez elle en fermant la porte au verrou. Elle ne soupçonnait pas le mal que pensaient d'elle les voisins, mais leur froideur croissante ajoutait à sa tristesse. Les jugements du village sont à peu près ceux du monde. Il n'y paraît pas vraisemblable qu'une fille s'enferme et maigrisse pour rien. On lui eût encore pardonné le péché si ensuite, devenue raisonnable, elle eût épousé Jeannot. Mais son chagrin muet était axé d'hypocrisie, d'endurcissement. Le curé lui-même paraissait mécontent, persuadé qu'elle lui cachait quelque faute. Elle n'en était pas moins assidue à la première messe, car c'était tout ce qu'elle pouvait faire pour l'absent, et elle se sentait moins loin de lui quand elle priait le Christ d'avoir soin de son âme et de son corps. Tous ses jolis rêves étaient évanouis, le chant du rouge-gorge ne lui racontait plus d'histoire, il n'y avait plus de promesses pour elle dans les nuages du couchant, les anges n'entouraient plus son lit, et il lui arrivait de s'écrier la nuit « Pourquoi m'a-t-il jamais parlé ? J'étais si heureux, si heureuse !» Mais aussitôt elle se reprochait cette ingratitude, cette trahison envers lui, et se haïssait elle-même pour avoir, dans sa pensée, péché contre Lionel un seul instant. L'hiver vint avec des neiges épaisses, on ne vit jamais bébé au veillé. Peu à peu, chacun s'éloigna d'elle, effrayé de sa morne tristesse. « Quelle honte, quel crime cet enfant a-t-il donc dans l'âme ?» se demandaient les commères. « Tu l'as échappé belle, mon garçon, » disait-elle à Jeannot. « Il est clair que ce peintre l'a conduite à mal. C'est une fille perdue. Elle n'aurait jamais fait le bonheur d'un honnête homme. Prends ton parti, épouse la grande Lise. » Mais Jeannot ne voulut jamais écouter les mauvais propos, ni regarder Lise seulement, bien que la porte de bébé restât fermée pour lui, et qu'elle ne semblait pas plus le voir quand il passait près d'elle que la neige foulée par ses sabots. Une nuit d'hiver, la mère Marie mourut en murmurant « Regardez bien, guettez, il entrera au port cette nuit. » Le matelot n'entra jamais au port, mais sa veuve alla enfin le rejoindre, et bébé resta plus seul que jamais à réfléchir au sort de cette femme qui avait attendu pendant 50 ans un homme mort et un navire naufragé. Elle n'avait plus à travailler pour personne, ni le moindre lien avec qui que ce fût. L'hiver s'écoula cependant, elle ne put comprendre comment. Elle avait perdu sa fraîcheur. Ses yeux et son front avaient pris en revanche une expression qu'il n'avait jamais eue. Elle avait tiré des livres 1000 bribes éparses de science. Chaque soir, en s'endormant, elle les fermait sur cette pensée. « Je suis un peu plus près de lui. Je sais un peu plus. » L'amour, pour être parfait, doit être non seulement une passion, mais une religion. L'amour de bébé en était une. Toutes ses actions, comme celles des saints, s'accomplissaient en vue du Seigneur. Seulement le Seigneur de bébé était un roi de la terre pétrie de poussière et de vanité humaine. Mais qu'en savait-elle? L'hiver s'écoula, et les personnages, les crocus, les pâles hépatiques, sortirent de terre, souriantes. Toujours au printemps, on avait vu bébé courir d'un pied léger vers la ville, chargé de bouquets de violettes. « L'hiver est fini », avaient coutume de dire les citadins. « Voici bébé avec ses fleurs ». Mais cette année-là, ils ne virent pas sa tête blonde se détacher sur le mur noirci de la maison du roi. Bébé n'avait plus le cœur de dépouiller son jardin. Elle y laissait tout vivre et tout s'épanouir, afin qu'il fût dans sa plus grande beauté quand la main de Lionel viendrait soulever le loquet de la barrière. Hélas, Lionel tarda tant à venir que la saison des violettes fit place à celle des roses, pendant que bébé se consumait à l'attendre matin et soir. Rien n'est plus pénible dans la jeunesse que d'attendre. On supporte chagrin, privation, coups violents. Mais attendre, laisser les longues journées languissantes, uniformes, s'évanouir une à une dans le passé, voilà ce qui tue lentement et sûrement, comme la chute perpétuelle d'une goutte d'eau finit par user le rocher. Il y avait près d'un an que Lionel était parti, et bébé ne doutait pas encore qu'il ne revînt, car il l'avait promis, et elle se fiait à sa parole comme à celle de Dieu. Elle avait été forcée de s'apercevoir enfin de l'isolement où chacun la laissait. Elle en souffrait sans le raisonner, de même qu'un petit enfant souffre de la faim et du froid sans savoir leur donner un nom. Une fois cependant, Reine, la sabotière, lui adressa la parole pour la prier, n'ayant sous la main personne qui pût lui rendre ce service, d'aller en ville appeler le médecin au secours de son enfant malade. Bébé fit la commission avec empressement. Elle éprouvait plus de sympathie que jamais pour les malheureux. Ceux-ci lui eussent-ils témoigné de l'injustice. En passant par les rues qui lui étaient jadis familières, comme elle se demandait si c'était bien elle, cette bébé qu'on avait vue suivre la même route une année auparavant, choyée par tout le monde, sans autre souci que d'abriter ses fleurs contre le vent et le soleil, la voix forte de Lise, la fruitière, éclata brusquement derrière elle. « La sotte ! » s'écriait-elle. « Il ne lui reste plus aux mains que des épines. Pourquoi ne t'es-tu pas fait donner au moins un rouleau d'or avant que ton amoureux ne s'en soit allé mourir à Paris ? Sans doute, malgré ses grands airs, il était gueux autant que les autres. Dame, ce n'était qu'un peintre, après tout. » « Vous avez dit mourir ?» balbutia bébé, devenu blême. Lise lui jeta une feuille déchirée, dans laquelle elle pesait des fraises. C'était un journal vieux de 3 semaines. Il disait que le peintre Lionel, dont la Gretchen avait fait sensation au salon de cette année-là, était gravement malade à Paris, en danger de mort. Bébé lut avec un cri de détresse qui arrêta le rire brutal de Lise. « Malade ? Entendez-vous, il est malade » murmura-t-elle, l'œil fixe. « Et vous dites qu'il est pauvre ?»« Sans doute, » fit la marchande de fruits en haussant les épaules, « puisque c'est un peintre. » Elle jugeait les peintres d'après les nombreux rapins de sa connaissance. « Vous avez été bien méchante envers moi, Lise, mais aujourd'hui, je vous bénis, je vous aime. Que Dieu vous récompense !» dit bébé d'une voix brisée qui changea en pitié les sentiments haineux de son ennemi. Puis, sans ajouter un mot, elle glissa le papier dans son sein et s'enfuit. Il était malade, il était pauvre. Comment hésiter? Tous les dangers, toutes les difficultés s'effacèrent devant cette pensée. Elle courut jusque chez elle, puis, sans perdre une seconde, fit un petit paquet de linge et porta la clé de sa cabane au vieux Jehan. « Je m'en vais à la ville, lui dit-elle. Si je ne reviens pas ce soir, voudrez-vous donner à manger aux poules, aux sansonnets, et arroser mes fleurs ? Faites-le pour l'amour de votre fille morte. » Elle ne lui laissa pas le temps de l'interroger. Chaque minute qu'elle perdait lui semblait précieuse et terrible. Bébé partit avec l'intrépidité de la jeune hirondelle qui, du nord où elle est née, s'envole d'instinct à tire-d'aile par-delà des mers inconnues, vers des pays nouveaux, quand commence l'automne. Elle avait eu la force d'attendre en silence pour lui obéir, quitte à ce que la vie se tarit chez elle goutte à goutte. Elle avait la force maintenant de se jeter dans des périls et des misères sans nombre, avec l'unique espérance de pouvoir le servir. Fin de la section 6.